Maurice Renard, celui qui n'a pas tué. Constant, pas de bruit, une seconde. Le vieux valet de chambre, courbé sur le tiroir ouvert d'une commode, se redressa et attendit au repos. À travers les rideaux de fin velours uni, couleur lilas, le grondement de Paris s'étouffait. On entendit se refermer la grille de l'hôtel avec son cliquetis de pesanteur et de précision. Puis, successifs, les quatre chocs assourdis d'une boîte de vitesse indiquèrent qu'une automobile puissante démarrait sagement dans l'ombre. Un klaxon caqueta au tournant de l'avenue. Jean Fortel souriait, couché dans un lit soyeux et brodé. Il ôta de sa bouche une cigarette bleu pâle à bout d'argent, qu'on eût dit avoir été roulée au clair de lune, et aspira largement l'air de la chambre close. Un grand parfum très merveilleux y demeurait, sillage enchanté. Le cartel anglais sonna 9 heures. Jean Fortel remarqua. « Elles vont manquer les premières mesures. »« La pendule avance, je crois, de quelques minutes, » dit Constant. « Je me permets de le dire à monsieur. Puis-je continuer mon travail ?»« Continue, mon vieux, continue. D'ailleurs, le théâtrophone va nous renseigner. J'ai l'opéra français ce soir. » Il poussa l'un des boutons du tableau téléphonique et décrocha le récepteur d'un appareil. Constant, respectueux, patient, abandonna sa besogne une deuxième fois et se tint immobile, regardant avec indifférence ce lieu pourtant remarquable à cause d'une somptuosité sobre et d'une élégance du ton le plus confidentiel. Le lit, vaste et bas, était un précieux monument, aujourd'hui singularisé par une profusion de toutes les choses distrayantes dont les plus tendres soins peuvent accabler un homme qu'une blessure immobilise. Sur ce lit gigantesque, qui embrassait d'une seule courbe les tables et les bibliothèques de chevet venues du même bloc, il y avait toutes sortes de romans, un fouillis de revues et de journaux, un sous-main, des lettres décachetées, une boîte de cigares. À même le moelleux de la couche, Jean Fortel avait fait placer le coffre radiophonique, petite armoire lourde ouvrant ses battants sur les panneaux de réglage et tenant comme en laisse le casque d'écoute et le pavillon du haut-parleur. Jean Fortel était plus grand que la plupart des hommes et taillé en athlète. Sa chemise de soie dégageait une encolure redoutable, des poignets de lutteur, et le cornet du téléphone semblait dans sa main un bibelot dérisoire. « Tu as raison, dit-il, la pendule avance, on n'a pas commencé. » J'entends le brouhaha de la salle et les musiciens qui s'accordent. Tiens, écoute. » Sur la table de chevet, un autre haut-parleur arrondissait son gosier d'ombre près de la lampe qui rabattait un éblouissement de plein jour. Jean Fortel toucha quelques manettes. Cela fit naître une rumeur nombreuse. La salle de l'Opéra français, projetée dans cette chambre à coucher retirée, l'image sonore de son public et de son orchestre essayant à l'étouffer, le tendu des archers, le jeu des clés, l'agilité des doigts, l'obéissance des lèvres. Sur une basse de chuchotements et de bruits indistincts se détachait un grondement discret de timbales, une phrase courte de clarinette, le trait d'une flûte, les octaves d'un hautbois. Des portes mystérieuses claquaient en sourdine, une voix d'ouvreuse fut claire comme une apparition. « Par ici, madame, le troisième fauteuil. »« C'est tout de même épatant, inconstant. » Le valet hocha la tête d'un air de respectueuse approbation. Les bruits s'apaisèrent soudain. Une baguette de bois frappait un pupitre à petits battements répétés. Jean Fortel évoqua la baisse des lumières mises en veilleuse, les deux lampes rouges allumant les trois coups. D'un regard bref, il consulta le cartel. Si le chauffeur de la mère Le Hélier a conduit promptement, elles doivent faire leur entrée. Il voyait, en pensée, l'avant-scène ténébreuse, l'arrivée presque subreptice des deux femmes, les taches pâles des toilettes, des gorges et des bras, issues des fourrures rejetées. Jacqueline s'asseyait. Son grand éventail battait onduleusement. Madame Le Hélier commençait à tout sauter, à faire « hum, hum ». Sans parvenir à soulager son larynx éternellement inquiet. Jean Fortel croyait la voix, raidie dans son rôle de chaperon, orgueilleuse d'escorter Madame Jean Fortel. Il se tut en lui-même. La musique venait de surgir, crevant ses bulles divines. Le monde de Louis se traversa de 12 éclairs et de 1000 diaprures qui se suivaient, mêlaient leurs nappes irisées, leurs pénombres multicolores et leurs cascades changeantes. Péléas et Mélisande. Une reprise avec une illustre chanteuse et un baryton à la mode. Jacqueline était heureuse là-bas, Jean était donc heureux ici. Péléas et Mélisande. Il se rappelait la première fois qu'il avait entendu le drame lyrique. C'était peu de temps après leur mariage. Jacqueline, folle de Maeterlinck et de Debussy, s'était fait un bonheur de l'emmener. Il se souvenait de la baignoire, de l'œuvre découpée en images d'Épinal, émouvante et singulière. Il se souvenait surtout de Jacqueline et de la petite main frémissante qu'il avait tenue dans la sienne tout le temps. Lui, mon Dieu, la musique moderne, il n'en était pas si féru. Il aimait plutôt les fanfares de trompe, le hourvari des chiens quand les fouets de chasse crépitent ou que les fusils tonnent, et le gémissement de la bise d'hiver dans les bois sans feuilles où la meute perce bien. Mais justement, Péléas, cela débutait en vénerie par une histoire de chasse perdue. Constant avait replongé dans son tiroir, Jean Fortel écoutait. Parmi la chambre, en surimpression, il entrevoyait le décor du premier acte. Aux corniches du plafond, d'où sourdait une clarté diffuse, se superposaient les frondaisons rousses de la forêt théâtrale. La futaie légendaire s'approfondissait au pli des rideaux joints. Les vapeurs bleues du soir flottaient dans un hallier que le rêve creusait au-delà du mur. L'harmonie, le verbe, le poème, toute la gerbe merveilleuse, inépuisablement jaillie de cette bouche obscure, recréait pour Jean Fortel le fantôme sylvestre d'un chien et loup pathétique. Et le dialogue musical, dressé Golo appuyé sur son épieu, Mélisande effondrée dans ses tresses, tandis qu'à travers leur corps diaphane, le dos de Constant remuait et le bureau de Jacqueline dessinait sa forme gracieuse. Et défila, comme un cortège pompeux, la grande phrase dynastique, la présentation royale, rehaussée d'orgueil. « Je suis le prince Golo, le petit-fils d'Arkel, le vieux roi d'Allemonde. » Le vide avait chanté les mots superbes et le haut-parleur transmettait, non moins poignant, le silence de l'auditoire recueilli. Jean Fortel sentit s'aigrir le regret d'être là, cloué sur un lit, pris au piège par cette jambe aussi douloureuse, vraiment, aussi lourde et engourdie que si des mâchoires d'acier l'eussent saisie. Jacqueline était heureuse là-bas. Mais Jean Fortel en était-il heureux, franchement, si heureux que cela? Ombre d'une fumée fugitive, rien de plus, savait-il seulement quelle pensée venait de traîner en lui cette ombre à peine grise et si rapide? Se dit-il qu'après tout, il souffrait toujours un peu, dans le fond, lorsque Jacqueline et la joie se rencontraient en son absence? L'impression se résolut en mauvaise humeur. Il pesta. Un faux mouvement, d'ailleurs, venait de lui lancer, du genou à l'aine, un trait brûlant. Le valet de chambre s'approcha, serviable et compatissant, abîmé de déférence. « Monsieur Hamal ?»« Ah, fichtre, oui, Constant, damné sanglier, je ne peux pas bouger sans qu'une douleur du diable. Au moindre déplacement, c'est curieux, il me semble que le maudit ragot recommence à me labourer la cuisse. Donne-moi du feu !» L'Hercule, pâle, serrait les dents et crispait ses poings énormes. Il fumait précipitamment, irrité de ne pouvoir cacher sa souffrance. Constant, sur un geste de son maître, interrompit l'audition théâtrophonique. « Champagne !» dit Jean Fortel. « Non, whisky soda !»« Mais dépêche-toi donc, tonnerre de chien !» Ses colères étant terribles, le valet s'empressa, muré dans une réserve prudente. Des bouteilles de luxe, des carafons étincelants, s'alignaient sur une sorte de dressoir. D'un seau à glace emperlé d'une sueur grenue, sortait un goulot d'or cravaté d'une serviette. Et, tout près, des fioles blanches ou brunes, aux étiquettes rouges ou vertes, voisinait avec des boîtes à pansements en tôle. Une pharmacie à côté d'un bar. Le breuvage vermeil pétillait dans un cristal miroitant. Jean Fortel vida le gobelet d'une saccade. « Monsieur ne se sent pas un peu de fièvre ?» Il fit non de la tête en s'essuyant le front et les tempes. « Apporte-moi les cartouches qu'on m'a livrées cet après-midi. »« Bien, monsieur. Je ne te demande pas si c'est bien, je te dis de m'apporter les cartouches. » Entre-temps, il téléphona aux écuries. « C'est vous, Turner ? Bon, rien de nouveau ? Bon, je voulais vous recommander demain tout petit travail pour Maypole, n'est-ce pas ? Ces tendons exigent beaucoup de ménagement. Un temps de trop, une heure de pas au maximum. 6 litres d'avoine à bob jusqu'à ma guérison. Non, je vous dis 6 litres, c'est 6 litres. Vous n'allez pas m'apprendre ce que c'est qu'un cheval, eh ? Merci, pas mal. Le médecin n'est pas mécontent. Venez au rapport demain à 8 heures. Constance se tenait rigide, présentant un plateau chargé de paquets. « Mets ça là ! Ouvre les paquets ! Voyons ces cartouches !» Il prit quelques douilles de couleurs différentes et les examina dans la lumière de l'ampoule. Un couteau. Le carton, éventré, laissa échapper des chevrotines, des bourres, de la poudre granuleuse et blême. « C'est bien, cet armurier connaît son métier !» Emporte. Donne-moi maintenant mon... Ah, et puis non. Quand je tripoterai un fusil, à quoi ça m'avancerait-il ? Je voudrais me lever, Constant, vivre, employer ces deux mains-là. Je m'ennuie à crever, tu entends ? Monsieur a cependant de la chance, dit le valet timidement. Si on avait coupé la jambe de monsieur... Oui, mais on ne l'a pas coupée, la jambe de monsieur. Et si tu savais toute la force que je sens bouillir... Tout le besoin de galoper, de boxer, de courir les bois. Ah, ils me paieront ça, Constant, les sangliers. Puis je me retirai, hasarda le domestique. Pas encore. On étouffe ici, tu ne trouves pas ? Ouvre la fenêtre un instant. Allons, vite ! Les persiennes se replièrent avec un bruit métallique. Éclairées par le rayonnement de la chambre, les ferronneries du balcon apparurent. Éteint ! La nuit est belle. Pas chaude, monsieur. Du fond de l'obscurité intérieure, on voyait un morceau de ciel froid et quelques étoiles très nettes au-dessus d'un toit peuplé de cheminées. La maison opposée montrait, dans l'ombre, la symétrie de son architecture. Mais, dit Jean Fortel, je ne me trompe pas, il y a de la lumière chez monsieur d'Ambléon. Inconstant. Oui, monsieur, le deuxième étage est éclairé. « Ah, ça, par exemple, il est donc revenu ?»« À moins que... »« Dis donc, à moins que ce ne soit Madame d'Ambléon, ou plutôt l'ex-Madame d'Ambléon. »« Il y a de la lumière au deuxième étage, » répéta Constant neutre. « Singulier, singulier. Ah, si Marc était revenu, je serais content. »« Monsieur va se refroidir. Ferme la fenêtre, les rideaux, tout. Et tu ne sais pas ?» « Eh bien, va chez le concierge, en face, et demande-lui ce que veut dire cette lumière. » Les choses avaient reparu dans l'ingénieuse clarté de la chambre, une fraîcheur maintenant circulée, se répartissant peu à peu. Resté seul, Jean Fortel gardait un visage intrigué. Il compta sur ses doigts. « Juin, juillet, août ?» Cela faisait juste 18 mois. Comme le temps passe 18 mois déjà depuis le drame, la séparation des d'Ambléon, le départ de Marc. Il lui semblait que ce fut la veille. Ce pauvre Marc d'Ambléon, un ami d'enfance, marié à une Anglaise tout à fait charmante. C'était Jean lui-même qui leur avait indiqué cet appartement, de l'autre côté de l'avenue, à 50 mètres de son hôtel. Pendant 2 ans, on s'était vus chaque jour. Les d'Ambléon paraissaient jouir d'un bonheur égal à celui des Fortel. C'était un bon ménage aux yeux du monde. Et puis, tout cela, un beau jour de juin, avait craqué. Nelly, la délicieuse Nelly, n'était pas irréprochable. Qui l'eût cru ? Pauvre vieux cher Marc ! Au souvenir de cette mauvaise journée, Jean Fortel éprouvait une gêne, une contrariété pénible. Marc d'Ambléon, si doux, si gentil et si désespéré, venu tout de suite comme on se réfugie. Jean n'aurait su l'oublier. Marc était arrivé dans l'écurie au moment où le vétérinaire achevait de poser un vésicatoire à Miss Darling. Il était bizarrement livide, Marc, avec des taches rouges sous les yeux. Sa démarche, ses gestes avaient changé, sa voix aussi. « eh bien, dit-il, voilà ce qui s'est produit, n'est-ce pas ? Oh, très simple. Tout à l'heure, je suis rentré chez moi, malencontreusement. Oui, malencontreusement. J'ai ouvert une porte, et alors ce que j'ai vu m'a fait comprendre que Nelly et moi devions suivre chacun une route différente. Elle s'en ira dans quelques jours. Elle retournera en Angleterre dans sa famille. Et moi, je pars ce soir, Jean. Voilà, je suis venu te dire au revoir. Je reviendrai je ne sais quand, lorsque... Lorsque, n'est-ce pas, l'oubli, le temps... On avait bien essayé d'arranger les choses. Vaine entreprise. Marc était parti, Nelly ensuite. 18 mois, et ce soir, des lumières. Oh, ce ne pouvait être que Marc. On frappa. « C'est M. d'Ambléon qui est de retour, dit Constant. Il est rentré de voyage tout à l'heure. Puis je me retirai. Tu veux rire, Constant ? Tu veux rire ? Passe-moi l'annuaire des téléphones, j'ai oublié le numéro de M. d'Ambléon. » Il feuilleta. « Dis-moi, Constant, qui est-ce qui veille ici jusqu'au retour de madame ?»« Les deux femmes de chambre, monsieur, et moi, si monsieur le désire. »« Je le désire. Attends. »« Allô ? C'est toi, Marc ? Ici, Jean Fortel. »« Mais oui, j'ai vu de la lumière chez toi. »« Viens, viens tout de suite. Tu me trouveras dans ma chambre, mon vieux. Figure-toi. Mais je t'expliquerai. » Un accident de chasse ridicule. Alors, bonne santé. Oui, viens. Dans 3 quarts d'heure, compris. Bien contente, tu sais. Jean Fortel reprit pour Constant. Une bouteille d'extra dry, une bouteille de Château Margaux, des choses froides, des fruits. Tu trouveras bien à l'office. Monte tes victuailles ici. Eh bien, je suis content, vrai. Quelle heure ? 10 heures bientôt. Allons, va, tu devrais être déjà revenu. » Il demeura sans bouger, souriant, songeur, l'esprit voyageant au gré de la mémoire, dans un passé de jeunesse et de camaraderie. Un air lointainement pianoté lui parvint, si faible qu'à peine on le repérait. Il rebrancha le téléphone sur l'Opéra français. L'écouteur ne décela qu'une confusion de bruits et de chuchotements. C'était l'entracte. Jean Fortel raccrocha, puis, désœuvré, recourut aux distractions de la TSF. Il tourna les boutons de l'appareil radiophonique, promena les aiguilles sur l'arc des secteurs. Des cris surprenants, chromatiques, s'échappèrent. Il y eut d'étranges vociférations, des appels aigus, des soupirs de volupté et des mugissements de fureur. Les sirènes de l'espace hurlaient les stridences herziennes de leurs passions inconcevables. Elles se révoltaient, elles se répandaient en un vacarme bestial avant de se soumettre, d'obéir à la loi des hommes et de remplir leurs fonctions de messagères asservies. Puis une voix de speaker et le rythme syncopé d'un jazz band se mélangèrent au loin. Une lampe trop chauffée se mit à siffler d'un ton exaspéré. La voix s'enfonça dans l'inconnu. Le jazz tonitruant sembla s'être rapproché à la vitesse de l'éclair. Le Savoy fut tout ensemble, du moins en acoustique, à Londres et à Paris. Les grandes mains musculeuses de Jean Fortel dansaient un charleston sur les draps brodés. Mais le fading fit des siennes. Le jazz recula aux limites de Louis, s'éteignit. Un bouton détourné, le déclic mélodieux d'un ressort qui s'échappe au sein du coffre. Et ce fut de nouveau le silence, divisé par le métronome du cartel. Pris dans son mal comme un atlante dans sa gaine de pierre, L'homme, immobile, arc-bouté sur ses bras robustes, balança son torse avec précaution et, pesamment, non sans grimace, se remonta. La vue de cette chambre commençait à lui devenir insupportable. Il braqua le rayon de la lampe dans la direction du bureau de sa femme. Un pastel, pendu à la muraille, s'inclinait vers la place vide où Jacqueline avait coutume de s'asseoir. En levant les yeux, elle voyait là son Jean, représenté en joueur de polo, rieur, animé, plein de sa force et sûr de son adresse. Et plus bas, posée à la hauteur du regard, une quinzaine de photographies multipliant l'image du même Jean Fortel dans tous les costumes que le sport a fait imaginer, depuis la casaque du gentleman rider et la redingote d'équipage jusqu'au chandail du skieur et la veste de l'épéiste. Jean Fortel soupira profondément. Il prit les revues, les journaux et les livres, il les jeta sur la peau d'ours et, de rechef, serra les dents, ayant l'œil dur et les maxillaires gonflés. Il éprouvait, avec une violence intolérable, tous les désirs brutaux qu'un sang trop vif fait courir dans les artères des jeunes hommes, habitués aux exercices du corps. Sa poitrine aspirait à l'air libre de l'océan, des cimes, des forêts. Un besoin de lutte, presque effrayant, le sollicitait tout entier. La marche, la boxe, la danse, la course, cadencée dans ses chevilles des enjambées fantômes et sans velléité de mouvement. Des orions qui ne frapperaient personne germaient au plein de ses biceps et venaient s'évanouir dans l'une de ses contractions qui refermaient sur elle-même ses mains broyeuses et lançaient ses poings en dedans pour une attaque chimérique dont il réprimait jusqu'à l'ébauche. Il se sentait dominateur, primitif, matériel, et il s'avouait très naturellement que détruire quelque chose l'eût soulagé. Constant dressa le couvert d'un léger souper à quelque distance du lit. Jean Fortel, absorbé dans la sensation de sa chair despotique, en subissait le joug et l'écoutait haleter d'être enchaîné. Puis il revint à Jacqueline par un détour aisé, croisa ses mains derrière sa tête et laissa l'électricité baigner ses yeux très clairs et qui rêvait bien heureusement. « Le voilà, tu n'entends pas ? » « Plaît-il ? » fit Constant hébété. « Monsieur d'Ambléon, parbleu, quelqu'un traverse l'avenue, c'est lui. Et la porte, là-bas, s'est refermée. » Le timbre-cloche de l'hôtel retentit dans la cour. Jean, tout joyeux, s'agita. Il se mordit les lèvres pour ne pas crier, tant sa cuisse fut soudain lardée par une défense invisible. Marc d'Ambléon le trouva qui s'épongeait la face, sans pouvoir arracher si vite le masque de la souffrance. « Eh bien, Jean, quoi donc ? Si je m'attendais à te trouver couché ! Mais saprelotte, qu'est-ce que tu as encore fait, risque-tout ? Tu n'as pas l'air à ton aise, sais-tu ? » ?»« Rien, ce n'est rien. Un vieux solitaire, l'autre jour, en forêt de Montmor. Au ferme, il me décousait tous mes chiens. Belle musique, tu penses ? Seulement, il gelait à pierre fendre. J'ai glissé sur la glace. Le ragot s'est jeté sur moi. J'étais seul, les quatre fers en l'air. J'avais laissé mon fusil accroché à un arbre. Au ferme, n'est-ce pas ? On peut essayer. Toujours le même. Toujours. J'adore combattre. Enfin, je n'avais qu'un petit couteau de chasse. J'ai tué mon cochon, mais il a bien failli m'envoyer dans l'autre monde. Décousu, mon cher, comme un simple cabot. 2 centimètres plus haut, et je crois bien que ça y était. Jambe droite, un mois de pieux au moins. Mais toi, Marc, comment va Jacqueline ? Des mieux, elle est à l'Opéra Français avec la mère Lehellier. Tu te rappelles, hein, la mère Lehellier ? On reprend Péléa ce soir avec Wolowska et Jardin. Jardin, tu vois ça d'ici ? Tu te rappelles, Jardin ? Mais oui, répondit doucement Marc d'Ambléon. Je me rappelle Jardin et Madame Lehellier. Il n'y a pas un siècle que j'ai quitté Paris. Il souriait avec un soupçon de mélancolie. C'était un joli homme, extrêmement affiné, blond, d'un blond pâle, offrant on ne savait quoi dans les yeux, d'effacés, d'usés, comme si ses yeux eussent regardé ou pleuré plus que d'autres. Jean Fortel et lui s'envisagèrent. leur poignée de main s'était prolongée. Bien par hasard. Cela venait de ce que Jean, qui souffrait encore, avait retenu machinalement la main de son ami. Il s'en aperçut et l'abandonna, conscient de l'époque où il vivait et qui répudie les démonstrations sentimentales. « Et alors, comment va ? » fit-il rondement. « Ce voyage, ou ces voyages ? Fatigué ? Un peu. Mais tu débarques, c'est donc compréhensible. Faim ? Soif ? Assieds-toi, vieux. On t'a préparé l'encas des familles. »« Merci, » dit Marc. « Un peu de champagne, ce sera tout. Tu as dîné dans le train ?» Il secoua la tête. « Non, mais cette rentrée, tu ne peux pas savoir combien ton coup de téléphone m'a été agréable. Cette rentrée, vois-tu, même après 1 an et demi ?»« Constant, » dit Jean Fortel, « ça va, tu peux disposer. »« Voyons, voyons, mon petit Marc, triste ?» Les yeux ailleurs, Marc d'Ambléon haussa les épaules. « Bien sûr, triste. Oh, ce n'est qu'un jour ou deux à passer. Une question d'heure et de déménagement, voilà tout. Mais ce soir, cet appartement qui n'a pas changé et qui a tant changé, raconte-moi les pays que tu as parcourus. D'où viens-tu ? De partout, j'ai erré. Raconte. » Marc d'Ambléon garda le silence. Puis, s'efforçant à sourire, « Certes, dit-il, ce qui m'aura le plus surpris de tout ce que j'ai vu, c'est ce que je viens de retrouver. En 18 mois, une obsession dénature étrangement les souvenirs. Tout m'ébahit. Les choses ne sont pas semblables à l'idée que je m'en suis faite de jour en jour depuis mon départ. Je les reconnais avec stupeur, dépouillés du déguisement que ma mémoire fiévreuse leur avait imposé. » Toi-même, Jean, et ton bonheur auquel j'ai pensé si souvent, et ta vie de grand gaillard casse-cou, d'homme heureux, aimé, aimant, tout cela m'apparaît moins beau, différent, plus beau peut-être parce que plus réel. Oui, je te regarde avec une joie profonde et sans amertume, sache-le. Tu es heureux du bonheur même que j'ai cru posséder. Quoi de plus rayonnant ? C'est vrai, je n'y pensais pas. C'est que le bonheur conjugal est de ceux dont le sentiment exige quelques réflexions. Les étourdis ne sauraient l'éprouver. Il ressemble à la bonne santé dont les malades seuls apprécient la merveille. Nulle comparaison ne pouvait, à cette heure, frapper davantage l'esprit de Jean Fortel. Bien qu'il eût souhaité plus d'indifférence et de gaieté en son visiteur, il ne pouvait s'empêcher d'être attiré vers lui où s'agitaient les derniers remous d'un naufrage accompli. Au reste, ce que venait de dire Marc d'Ambléon l'avait pénétré d'une sorte de lueur inopinée. Un instant, il conçut, avec une ampleur et une précision extraordinaires, tout ce que sa femme était pour lui. Vraiment, il l'aimait d'un prodigieux amour, un amour si intense qu'il faillit l'exprimer. Devant Marc, c'eût été cruel. Il refoula cet aveu, ce chant de véhémente allégresse. « Mais, mon petit Marc, tu es jeune, tu guériras, et je veux être pendu si je ne te revois pas, bientôt, heureux comme je le suis et comme tu l'étais. Comme je croyais l'être. Hélas, il est trop tard. Il n'est jamais trop tard. L'escalier de l'enfer n'est pas fait pour qu'on le remonte. Moi, j'ai vécu. J'aimais la vie, vois-tu, comme ceux qui doivent mourir jeunes. Et, en effet, je suis mort jeune. Le silence est en moi et je me sens désert. Je ne serai plus heureux que par inadvertance. » « Tu bois ton image, Narcisse. » « Non, je pense, n'en doute pas, à tout ce qui se fait ici-bas, les détresses et les joies. Conquérir le bonheur, ah, ce n'est pas, en somme, très difficile. » Mais quand on l'a conquis, c'est alors qu'il faut de la tête pour le conserver. Pareil à toute fortune, faute de s'accroître, il diminue. Veille sur le tien, Jean. Ne te disperse pas trop. La plus grande sottise qu'un homme puisse commettre, à qui la destinée offre plusieurs bonheurs, c'est de les vouloir goûter tous à la fois. Il vit dans le regard de Jean Fortel un léger étonnement qu'il ne comprit pas tout de suite. « Nelly est anglaise, dit Jean Fortel posément. Elle n'est pas de notre race. De là, forcément, un abîme entre vous deux. »« Aucune femme n'est de notre race. Ta mère, ta sœur elle-même sont plus loin de toi que tu ne l'es d'un habitant du Labrador ou du Sénégal. Non, aucune femme. » L'expression de son ami l'éclaira. Il s'arrêta et rougit. « Pardon, Jean, ne fais pas attention. Je généralise sottement. Il ne faut pas m'en vouloir. J'ai perdu l'habitude de causer avec quelqu'un. Il me semble encore que je me parle à moi-même sous une tente africaine ou dans quelque auberge des Balkans. Je sais bien que Jacqueline et toi, vous êtes le couple rêvé. » Parce que, peut-être, dit Jean Fortel, je ne m'embarrasse pas d'analyse psychologique. Parbleu, si l'humanité était composée de penseurs, le monde serait inhabitable. Il faut la joyeuse insouciance des imbéciles pour entraîner les autres. Moi, j'aime tout simplement, sans chercher comment ni pourquoi. J'aime comme je respire, et je suis aimé de la même manière. Allons, verse-moi du champagne. » Ce qu'il ne disait pas, c'est qu'il se sentait, sur ce terrain, un tout autre personnage que Marc d'Ambléon. Colosse, magnifique spécimen d'humanité, il se savait privilégié, doué d'un attrait physique qui le dispensait de toute stratégie. Il avait toujours éprouvé quelque pitié pour ses amoureux qui ne doivent leur succès qu'à ce qu'il appelait des ingéniosités, des tactiques, des manœuvres enfin. Lui, il était lui-même. Cela suffisait. Marc, cependant, continuait. « Je ne parle ni pour toi ni pour Jacqueline, mais il est certain qu'un immense malentendu règne entre les sexes parce que les hommes jugent les femmes comme si elles leur ressemblaient d'âme et de cœur. Ils exigent d'elles, en conséquence, des qualités qui ne sont pas leurs faites, et elles montrent souvent de hauts mérites qui nous paraissent négligeables et qui sont pourtant le propre de leur nature. » Comment expliquer une telle erreur? Comment pardonner aux hommes une sottise d'autant plus inadmissible que, en matière de beauté corporelle, ils demandent précisément aux lignes féminines de s'éloigner le plus possible des lignes masculines? Tout ce que tu dis là n'est-il pas réciproque? Non, car si les hommes ne se rendent pas compte de leur méprise, les femmes, au contraire, la connaissent, l'admettent tristement et la supportent sans rien dire, comme une fatalité. Elles ont pour nous une bienveillance un peu sournoise. Elles voudraient bien que nous fussions plus perspicaces, mais elles savent qu'il est inutile de parler à des sourds et dangereux d'importuner l'égoïsme et la force. Il y a en elles je ne sais quelle habitude de docilité et, parfois, je ne sais quel besoin de soumission dont, au surplus, elles n'ignorent pas le charme et qui leur ferme la bouche. Enfin, ce qui est grave, je crois que nos cœurs n'ont pas de mystère pour ces êtres dont nous connaissons, pour la plupart, tout ce qu'un homme en peut connaître lorsque nous avons reconnu qu'ils sont mystérieux. Tu es sceptique, je t'amuse. Mystérieux, pas tant que ça. Tu compliques tout, mon petit Marc, et tu te trompes. Ne cherche pas midi à 14 heures, va. Voyons, t'imagines-tu? N'hésite pas, mon vieux, dis ce que tu penses, cela me fait tant de bien d'échanger des idées. Eh bien, je voulais te dire, t'imagines-tu que tes scrupules, tes précautions attentives, ta bonté en un mot, aient pu retenir Nelly? Allons donc, 100 fois meilleur, tu ne l'aurais pas moins perdue. Je crois pourtant, dit Marc avec conviction, je crois fermement que si elle m'aima, ce fut pour ce que tu nommes ma bonté. Jean Fortel esquissa un geste d'incertitude. Il estimait que, lorsqu'une femme aime un homme pour sa seule bonté, il faut de deux choses l'une, ou que cette femme soit remarquablement intelligente, ou que cet homme court à de prochaines infortunes. Rien ne lui mortifiait, pour sa part, comme d'entendre Jacqueline lui dire « Je t'aime parce que tu es bon ». La vie battait dans ses muscles, au rythme primitif de l'âge de pierre, où la générosité était une faiblesse, la douceur un vice, où les hommes vivaient sous la loi du plus fort. Marc, après un instant, lui dit avec affection « Nous ne pensons pas de la même façon, n'est-ce pas? Je le sais bien, je m'en suis aperçu déjà il y a 18 mois. » « Comment cela? Quand je suis venu te dire adieu, aussitôt après ma découverte, j'ai bien vu que ta surprise était complexe. » La conduite de Nelly te stupéfiait, bien entendu. Mais il y avait autre chose, n'est-il pas vrai? Tu me considérais avec... avec un rien de mépris. Qu'un tel événement se fût déroulé sans violence, que le revolver n'eût pas joué un rôle quelconque, que Nelly, infidèle, fût encore vivante, tu n'en revenais pas. Est-ce que je m'abuse? Bah, bah, qu'est-ce que tu vas chercher, mon petit Marc? Écoute, je pressens que tu vas te remettre à philosopher. Pour Dieu, ne discute pas tant. Vis, aime, mange, bois, respire, sois jeune. Et laisse-moi vivre aussi, sans complication, être jeune aussi. Tiens, veux-tu, nous reprendrons cette conversation dans 20 ans, quand je serai vieux. À ce moment-là, les théories m'intéresseront peut-être. Dans 20 ans, Marc. Réponds-moi seulement. Je voudrais savoir si tu as réfléchi depuis l'année dernière. Je voudrais être sûr que toi, Jean Fortel, mon ami de toujours, tu t'es repris, que tu penses comme il faut penser. Mais, mon ami, je ne pense pas, moi. Tu n'as que ce mot-là sur la langue. Je ne suis pas un penseur. Je suis comme tout le monde. Puisque tu veux le savoir, eh bien, il est exact que je t'ai admiré. Voilà tout. J'ai admiré ta sagesse, ton sang-froid. Je me suis dit, évidemment, oui, je me suis dit qu'il était heureux pour Nelly d'avoir affaire à un brave garçon, à un philosophe très maître de soi. Je m'en suis réjoui bien franchement, je te l'assure. À ta place, j'en sais plus d'un qui aurait fait justice. Toi, par exemple? Oh, moi, tu sais, j'ai peu d'imagination et je ne me vois pas ayant épousé Nelly. Je ne puis me représenter ma femme qu'avec le visage de Jacqueline. Alors? Décidément, je ne suis qu'un maladroit. Tu n'es pas maladroit, tu es malheureux, inquiet. Et, à moi, tu peux dire tout ce qui te passe par la tête. S'il en est ainsi, laisse-moi donc te confier. Jean, il s'en est fallu de rien que je ne fusse un meurtrier. Je l'ai tenu en joue, Nelly. J'ai visé, l'espace d'une seconde, sa face épouvantée. La Providence a voulu, par bonheur, qu'un éclair de raison me fît voir l'horrible spectacle dont mon crime eût été suivi. Celle que j'aimais, morte. Tu ne frémis pas? Tu te fais du roman. Les romans ne m'ont jamais fait frémir. Quant à la mort, c'est une vieille connaissance à moi. Oui, je sais. Tuer. Tu ne songes qu'à tuer. Tu as été un soldat remarquable. Tu t'es couvert de gloire. La guerre a été pour toi une partie de chasse. Mais les hommes que tu as tués étaient des ennemis, des envahisseurs. Et tu ne les connaissais pas, tu ne voyais même pas leur figure. Et mon duel avec Clarence? Mais Clarence, tu le haïssais. Et toi, Marc, tu ne haïssais pas Nelly quand tu l'ajustais? En vérité, tu l'aimais encore après sa trahison? Bizarre. Je l'aimais, et j'ai trouvé qu'il n'y avait rien de meilleur au monde que de voir vivre ce qu'on aime. « Eh bien, moi, je l'aurais tué !» grommela tout à coup Jean Fortel. « Qu'as-tu ? Calme-toi » « J'ai un mouvement de fièvre, probablement, et aussi l'impatience de ce lit qui est une prison. J'ai encore ceci, que je me demande si c'est moi qui suis une brute sanguinaire ou si vous êtes tous de pâles dégénérés. » La mort, eh mon Dieu, comme vous en avez peur! Moi, non, je le dis avec une certaine fierté. Je la recevrai comme je la donne. Barbare, féodal, tout ce que tu voudras, je suis comme je suis, je n'oublie pas, moi, que la première mort fut un meurtre, celui d'Abel, et je me demande comment vivraient les hommes, ces carnassiers, si nul d'entre eux ne voulait tuer. Allons, allons, parlons d'autre chose. Dans 20 ans, Marc, dans 20 ans. Aujourd'hui? À ta santé. Je t'aime bien, mon petit Marc. Je suis content de te revoir et je préfère que tu sois ici plutôt qu'à la Guyane pour crime passionnel. Là-dessus, encore un peu de champagne, s'il te plaît. Et quelques minutes de Debussy, n'est-ce pas? Marc d'Ambléon n'eut pas à se demander ce que voulait dire Jean Fortel. Le haut-parleur du téléphone avait repris la parole. La musique enchantait brusquement la durée. Parmi les sons enchevêtrés comme une chevelure impondérable, une voix chaudement timbrée prononçait « Oh, qu'as-tu dit, Mélisande ? Je ne l'ai presque pas entendue. »« Quoi, déjà ? » fit Jean Fortel. « L'avant-dernier acte, nous avons bavardé comme des lavandières. C'est Jardin qui chante, et maintenant Wolowska. » « Cette scène, dit Marc, est une des plus belles que je connaisse. » Jean Fortel avoua. « Moi, ce que je trouve encore plus étonnant, c'est le théâtrophone. Quand je pense que je suis dans mon lit et que j'entends exactement ce que Jacqueline entend dans sa loge d'avant-scène, le croirais-tu, Marc, ça me fait plaisir, à moi, moi le butor, moi la brute épaisse, d'entendre la même chose que Jacqueline. » Ils écoutèrent. Marc entretenait une rêverie mêlée. Bercé par les accords murmurants de l'amoureuse symphonie, il songeait néanmoins au miracle scientifique qui annule si étrangement la distance au profit de l'oreille. Cette suppression de l'espace, cette conquête troublante persistait à le ravir, et le contraste le saisissait du perfectionnement des choses et de l'immuable barbarie des êtres. Pas de différence, à tout prendre, entre un chasseur d'ours de la période quaternaire et Jean Fortel écoutant par théâtrophone Péléas et Mélisande. Qu'était-ce d'ailleurs que ce chef-d'œuvre ? L'éternelle histoire d'une femme et de deux hommes. Le génie du poète et le génie du compositeur l'avaient exquisement transfiguré, mais c'était toujours l'antique et banale tragédie qui se joue sur la terre depuis que Dieu a créé l'homme et qu'il l'a créé de deux sortes. Toujours les mêmes cœurs, mêmes désirs, mêmes déboires, mêmes aspirations. Les merveilles de la science n'y pouvaient rien, elles ne servaient que de vieilles habitudes et des passions indéformables. À peine en modifiait-elle par hasard le cours, l'intrigue, les péripéties. Nouveau décor d'une reprise perpétuelle, accessoires modernisés. La pièce tiendrait l'affiche jusqu'à la fin des fins. « Ah !» clamait Mélisande, « il est derrière un arbre !» Et Péléas ?« Qui ?»« Golo !» Golo, le mari. Marc d'Ambléon avait été Golo à son heure. Un Golo débonnaire, des myriades de Golo avaient tenu dans leurs mains glacées de haine qui la pierre, qui la hache, qui l'épée et qui le revolver. Et demain, les savants inventeraient une nouvelle arme pour tuer d'autres Péléas sous les yeux d'autres Mélisandes ou inversement. Ironie du progrès. La chanteuse suivait, donnant à sa voix pure un accent de frayeur. « Il a vu que nous nous embrassions !»